musique sans musique, quel que son un mot qui dit danse, et c'est bon. Danse sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison dans ses bras délicieux. Une toilette pas celle du matin. Tu descends me séduire un œil malin. Si tu voulais être la princesse de mes regards, tu ne jouerais pas mieux la future star. Danser sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison, dans ses bras délicieux. Fais-toi une rumba effrénée. Tes rires, une frénésie sans toucher terre. Tu sais, aucune femme ne m'a jamais fais cet effet, faire le beau aboyer et se taire. Danser sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison, dans ses bras délicieux. Danser sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison dans ses bras délicieux. Je ne suis qu'un pantin dans tes doigts fins qui subit. Mais ce que je préfère, c'est que tu m'embrasses longtemps, longtemps, longtemps. Et que tu me dis je t'aime mon papa. Danser sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison, dans ses bras délicieux. Danser sans raison, histoire de jouer un peu. Danser sans raison, dans ses bras délicieux. Histoire de jouer un peu. Danser sans raison, dans ses bras délicieux.